J'ai peur de t'oublier, j'ai peur de renoncer, j'ai peur de m'égarer loin de tes voix. J'ai peur de t'oublier, j'ai peur de renoncer, j'ai peur de retomber loin de toi. Rappelle-moi jour après jour au souvenir de ton amour, que je repasse tes bienfaits. Père, sans jamais rien oublier. Avec toi.